Malgré les objections de Pierre, je me suis inscrite à une auto-école et je prends des leçons avec un charmant moniteur. Un vieil ami des Delon, M. Levoisin, m'aide aussi. C'est un ancien chauffeur de taxi. Naturellement, les chauffeurs de taxi conduisent bien et ils connaissent les rues de Paris comme leur poche. Il est très sympathique, M. Levoisin.